Garde l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller, bec bec, c'est cool. Pas de tabac, coule une douille, on s'en bat les couilles. Remets gasoline, remets gasoline. Yamazo Soula, qui fait des sous-sous. Oh non, me saoule pas pour 2 francs 6 sous. La spéciale Zizou, et je me barre vite zou. Démarre fusée, cerveau ligne, je contrôle pas mes lyrics. Garde l'île en Maurice, fais couler. J'pense que le temps s'est coulé, y'a pas de temps à donner. J'pensionne club sur club, y'a que mes coups à donner. Y'a que mes punch à donner. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller, bec bec, c'est cool. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller, bec bec, c'est cool. Dans la foule, j'y vais là-dessus. Faut juste qu'elle tombe sur la tigre. Sale pute. Elle revient toujours, elle est agile. Dans la foule, j'ai vu la chick. Faut juste qu'elle bande sur la chick. Sale pute. Elle revient toujours, elle est agile. Elle y revient à chaque fois comme si elle en avait perdu le goût. 15 secondes sur scène, toujours plus extrême. On tire la concu par le goût. C'est nous qui se rapprochons le plus de la vérité. Ça y a pas de doute. Je vais devoir bloquer sa gorge vu qu'elle voulait me bloquer la route. 15 ans MGP, y'a guerre de Whippies. 15 ans les études, le taf ou bien la Whippies. Je vais pas la laisser mais du rouge à lèvres sur sa vitrine. Elle ressemble à la sorcière d'un Chihiro Miskin. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller, bec bec, c'est cool. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller, bec bec, c'est cool. On signera pas, on le fait tout seul. En Inde, en vrai, c'est mieux. Chez Guapo, en vrai, c'est mieux. L'urzon arrive, on n'est pas seul. J'déboule, j'arrive. J'suis vite comme majestique, converti. Ressent vertige quand elle conce la ligne. Toute la nuit, on médite. Là, on conce la critique. Conce des substances médicales. Tout déroule comme prévu. Impeccable, roule en perse, délia sans tasse. Si je veux plus de moula, plus de pesetas. Pour l'intense, je baisse et tasse. Pia, on verra plus tard comment ça se passe. Là, je suis fly comme espace. Je touche papier, ouah, manette. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller, bec bec, c'est cool. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller. Bec bec, c'est cool. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler. Tu me fais trop coller. Bec bec, c'est cool. Pas de tabac, coule une douille, on s'en bat les couilles. Remets gasoline, remets gasoline. Faire de l'île en Maurice, vas-y, fais couler.